Regarde mon visage en guilon. Pour planer, faut du bon pilon. Le pouvoir, c'est les faux qui l'ont. Pour s'en sortir, faut le bon filon. Ça se file plus, ça sent le canon. L'espérance, devinez pas longue. Ça baisse même les parcs canons. Un mec en chien te dira pas non. Faut des couilles dans le pantalon. Tu les écoutes, c'est des étalons. Trop de folles et de hauts talons. En aucun cas, non d'étalons. Sur le terrain, plâche le ballon. Sur le terre-terre, il faut le bras long. Ça prend que des bouts à tu, si ça râle quand le bout est pas long. Trop de béton, ça tue le béton. C'est comme trop de rap, ça tue le rap. Les rappeurs racontent ce qu'ils se disent. Même si t'es pas sûr, ça tue le rap. Tu racontes des pipes, tu veux les mecs sereins, mais le plus facile, toi, ça tu le rap. Les MC font des clips comme je suis sur le derrière, pour toi, ça pue le rap. Ça pue la traîtrise, pas de chômage, on vit la vraie crise. Ton pote, tu le méprises, pour du rap technique, il faut la maîtrise. Arrête ta bêtise, pour être speed, il faut la reprise. Les hams sont ripou, à l'affût de faire une vraie prise. C'est sans pitié, tu craches du flamon, c'est kitché. Rap est métier, y'a pas de confiance, c'est plus d'amitié. C'est la mort au tchétché, on fait la révolution comme le tchè. Nous on veut tout prendre, faut pas se contenter que de la moitié. Tu viens, tu me fais la bise, mais pour toi je sais même pas quitter. On est dans le rap, on va pas le quitter. Les MC se mettent à palpiter. Manque d'esprit par un manque d'idées. On cherche la voie qui va nous guider. Tout s'achète une identité, faut la qualité, pas la quantité. Je rappe en ND, ou arrière pour leur aliéné. Ça charbonne cramé, mais rien à foutre, on veut être blindé. On a les yeux rouges, déterminés, on va te massacrer. Tu veux nous tester pour mettre des KO, faut des bras sacrés. À bout de souffle, on vient en apnée. Tu veux de la coque, on te vend de la craie. Ça rappelle, calibré, sabré. Tout pour le bif, le reste pas sabré. Veille ici, sacré, on est tous à terre. Ça rafale, même les gosses à terre. Ça fait pas d'une balle, faut le barrier. Tu veux des gros pecs, faut des grosses haltères. Un droit pour faire taire, on se fait pas pote avec l'adversaire. Fais le nécessaire, on calcule plus les anniversaires. Si t'es dedans, tu seras pas seul, c'est suicidaire. Tu fais pas de sport quand tu cabales, t'as des soucis d'air. Et tout ça me sidère, dédicace au vrai que je considère. Dédicace aux frères qui galèrent pas un dans le frigidaire. Chacun pour chacun, n'attend pas d'aide, peu de solidaire. Ça mange en solo, ça fait pas croquer comme un solitaire, frère. C'est comme une casse poteau, freestyle sec quand je règle l'auto. Sans mes que des grosses frappes lourdes, on pète la cage, tu me touches le poteau. C'est pour ceux qui m'écoutent, ceux qui soutiennent. Tu fais dans l'illégal quand les soutiennent. Mets la bouteille ici, tu mets la tienne. Y'a plus de boîte 6, on met la 8ème. Pour peu, tu peux te faire bousiller. Comme à la chasse, tu te fais fusiller. Trop d'éther qu'à le foutiller. Tu cours très vite qu'à la foutiller. Faut te soucier de ta famille, oublier. Les faux amis dans l'album, on les a pas mis. C'est violent, rappelle-moi Camille. Ha ha.